сам дай ответить. Пусть it be it, are it breathing. I've been fighting a war that I can't win. A room full of no one. Myself against myself. And I never meant to drag you down. Cause if you wanna know the truth, instead I break this fucking world in two. If that's what I had to do, I need your hand to pull me back from the dead and sting of doubt. Like a piston on a burning building, like a burning just to burn out. Eh, c'est quand même carrément mieux si j'attrape le micro, parce que si je parle tout seul dans le casque, ça va pas bien marcher. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Comme on arrive dans deux véhicules différents, du coup j'ai un peu meublé le temps que le reste de l'équipe arrive, et pour ceux qui se posaient la question, on s'est écouté le morceau Cheat Death de Bent Life. Voilà, c'était histoire de réchauffer un peu mes courbatures de l'excellente soirée d'hier au Cana, première organisation hardcore pour l'asso Something for the Youth, toute nouvelle orga locale qui nous a servi sur un petit plateau d'argent, Sorcerer, Real Deal et autres calcines. Et c'était un peu une soirée de ouf au Cana. Donc voilà, c'était pour ceux que ça intéressait de savoir un peu ce qu'on a diffusé avant d'envoyer le générique. Et ben on va pouvoir attaquer la div de l'émission de ce soir avec plein toujours de très bonnes choses à s'écouter. On aura bien sûr, comme c'est une émission en direct, l'ami Thibaut qui prendra la parole pour agrémenter de commentaires tous plus pertinents et acerbes les uns que les autres tout au long de l'émission. Et surtout, nous gratifier de ces petits focus. Non, je viens de me remémorer les focus choisis pour ce soir. Voilà, il a encore pris énormément de risques sur les styles qu'il va honorer aujourd'hui. Et une doublette de petits genoux pour attaquer musicalement l'émission de ce soir. Hein, deux très récentes formations qui doivent totaliser à elles deux près de 80 ans de carrière. À savoir tout d'abord les vétérans américains de Autopsy, le groupe de Death Gordes, qui nous sort un Morbidity Triumphant, qui est un album assez triomphal, hein, qui est vraiment dans la lignée des deux précédents. Skullgrinder et Tourniquet Oxo and Graves, à noter les très très bons EP qu'ils nous ont sortis entre 2015 et 2018, hein, qui sont clairement dans cette lignée ultra qualitative. Voilà, cet album aura mis un peu plus de temps à sortir. Bon, encore une fois, il y a eu des EP entre temps. Toujours aussi prolifique, toujours aussi qualitatif, Autopsy, une sortie sur le label anglais Peaceville Records. Et en doublette avec donc les vieux de la vieille de Autopsy, les vieux de la vieille Outre-Rhin Tankard, le groupe de Trash Colic qui nous sort Pavlov's Dogs, nouvel effort studio, ça va être le 17 ou 18e de la carrière des Allemands. Toujours ce trash efficace, bondissant, tantôt rigolo, tantôt vachement sérieux. Birbarian, donc là on est sur un titre qui est pas du tout sérieux. Et Born in Blood, le titre de Autopsy. Sur ce, bienvenue à toutes et à tous dans la nouvelle émission Le Banger de ce soir, et c'est parti pour la musique. We'll be right back. Doublette suivante, pas forcément des formations beaucoup plus jeunes, hein, Clutch et Bloodbath. Les Américains de Clutch, le groupe de Stoner, bien dynamique, toujours aussi groovy et punchy. Nouvel effort studio, pareil, sacré discographie hein, pour les Américains de Clutch. Sunrise on Slaughter Beach, nouvel effort studio déjà disponible. Et ensuite Bloodbath, le groupe de death suédois, qui sort son nouvel effort studio Survival of the Sickest. Il est pas mauvais cet album de Bloodbath, loin s'en faut, mais voilà, ça reste du death suédois bien pensé, bien joué, mais qui a quand même perdu de sa crasse et de sa puissance au fil des albums, malheureusement. Clutch, Mountain of Bone, Bloodbath, Tales of Melting Flesh, c'est parti. 21h27 à la pendule de Radio Béton. Et on est très très bon, le son est agréable, c'est confortable, c'est du velours. Et on allume les projecteurs et c'est l'heure d'accueillir l'ami Thibaut. Bonsoir. Et bonsoir à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce que tu viens nous vendre ce soir ? Du black metal à capuche. Oh, que nous sommes surpris, que c'est original ! Non mais difficile, on reviendra sur ce sujet-là un peu plus tard dans la soirée. À capuche et à cagoule. À capuche et à cagoule, tout à fait. Mais on reviendra un peu sur ce sujet obvious de ce que j'ai fait ce soir. Mais un peu difficile de passer à côté de ces deux sorties. Presque fétichiste, ouais. Ouais, complètement. Du coup, Gaira, groupe portugais, qui nous sort là leur troisième album, un groupe formé en 2016. Clairement, du black metal à capuche, pour moi, vraiment le haut du panier de ce qui se fait dans le style. Et on est très très loin, en fait. Alors, faut pas vous attendre, pour ceux qui connaîtraient pas, à ce black metal un peu orthodoxe, occulte et tout ça, qu'on a pu avoir en très très grande quantité. Petushka. Je l'ai pas dit. Ces dernières années, on n'est pas du tout dans ce registre-là. C'est difficile de brosser le portrait parce qu'ils ont un style qui est, au final, assez personnel dans le paysage. Ils ont sorti en 2016, donc un tout premier EP. Je reviens dessus parce qu'en fait, cet EP, il va poser les bases de ce qui va devenir le groupe. Et on commence à voir les éléments de ce black metal qui se dessinent avec cette dimension, comme on dit, très monolithique déjà. Et ce côté un peu rouleau compresseur qui va en découler. En 2018, ils sortent leur tout premier album qui s'appelle Unsettling Whispers, un album qui arrive un peu de nulle part, je pense, pour la scène black metal, et qui va marquer le paysage clairement. Tu sais pas pourquoi, parce que vraiment dans le style, c'était pas novateur ce qu'ils proposaient pour l'époque, juste c'était mieux fait que les autres sur plein d'aspects, et notamment beaucoup beaucoup de travail de compo. Moi, l'album qui m'a marqué, ça a été l'album, donc leur deuxième album Limbo de 2020, qui tape encore plus fort, il est encore plus violent, plus percutant. Il passe sur un délire un petit peu conspi dans leur imagerie et tout. Il y a un côté une espèce de cercle de personnes qui gouverneraient le monde et tout ça. Enfin, c'est un aspect hyper malsain. Et ouais, il est incroyable, l'album. La pochette est sublime, moi j'aime beaucoup le style. Et donc on arrive là avec une sortie de Mirage, qui est leur tout dernier album qui vient de sortir. Alors, j'ai pas noté la date de sortie, mais je crois que c'était courant septembre, si je dis pas de bêtises. Voilà, bravo, ça c'est un focus bien préparé. Le 23 septembre, très exactement. Tout à fait. Et de nouveau une sortie Season of Mist, c'est dire quand même qu'ils sont sur un label qui est toujours aussi qualitatif. Clairement, sur ce nouvel album, on est en terrain connu. On va avoir Gaira qui s'éloigne pas vraiment de son style, mais juste qui gagne encore une fois en richesse et avec un aspect encore plus percutant. Déjà, l'enregistrement, il est ultra massif. C'est étouffant, c'est moderne. Alors ça, c'est un aspect justement que Gaira a toujours défendu un petit peu dans son approche du black metal. Il se positionne pas du tout sur ce côté un peu true black metal et tout ça. C'est non, ils font du black metal moderne et ils l'assument complètement, que ça soit dans la qualité de l'enregistrement ou dans l'imagerie qui découle du groupe. Là, je sais pas, toi tu l'as écouté l'album, je sais pas comment toi tu l'as vécu. Moi, j'ai vu vraiment ce côté toujours aussi grandiose, tu sais, t'es vraiment dépassé par le son. Tu prends un espèce de bus, comme tu disais, comme on disait en off, c'est une espèce de rouleau compresseur que tu manges. Et ouais, ça te secoue. Enfin, vraiment, l'album, il te secoue de ouf, quoi. Alors, du coup, ouais, je voulais pas forcément intervenir par rapport à moi, mon ressenti, parce que je voulais pas couper ton exposé. Gaira, moi, ça fait partie de ces groupes qui sont dans ma liste d'écoute depuis un paquet d'années maintenant, que j'écoute très ponctuellement, sur lesquels je me suis jamais vraiment trop penché plus que ça. C'est un groupe qui monte en termes de notoriété, qui compte vraiment dans le paysage à l'heure actuelle, qui s'offre là sa première tournée en tant que tête d'affiche. Là où Mgwa a pris un écueil, Gaira a survolé allègrement sa dernière sortie studio. Et effectivement, comme vous pouvez se le dire en off, Gaira te pose un autobus accordéon dans les gencives d'entrée de jeu. Donc t'as cette base rythmique ultra massive, soutenue et suffocante, digne d'un Mgwa, et il y a ce truc en plus par dessus, enrichi aux mélodies parfois très Swedish Black, des intentions et une intensité qui apporte une richesse qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres formations dont tu parlais, que voilà, il y en a plein d'autres qui le font, mais eux le font juste mieux. Et cet album qui dépasse quand même les 50 minutes, y a des albums, voilà, ils sont longs en fait, on se les écoute d'un trait, on se dit ouais, putain, ok, c'est passé super vite. Gaïra, moi je sais que je commence à écouter, la première fois que j'ai écouté les trois premiers morceaux, et en fait je me suis arrêté et je les ai réécoutés une seconde fois parce que j'étais un peu perdu de là où j'en étais de l'écoute de l'album. Ouais. Parce que comme on se disait aussi en off, il est hypnotique de par cette rythmique qui martèle vraiment les sens. Et derrière, quand on se met à gratter et être un peu attentif à tout ce qu'il y a autour, c'est ouais, je vais revenir dessus et le réécouter parce que voilà. Et c'est un album qui peut séduire dès la première écoute, comme je pense au bout de la 15e où tu redécouvres plein de choses. Et je pense que ça va être le moment de se faire un petit break dans le blabla pour se l'illustrer musicalement. Du coup, tu as choisi le titre. Alors, je sais pas comment c'est mantle ou mantle. Mantle. Je sais pas comment ça se prononce. Pour moi, ça a été le morceau un petit peu que dans l'écoute, il est ressorti du lot. Mais bon, personnellement, j'ai préféré Salves, mais qu'on a diffusé, je crois, il y a quelques semaines, il y a une ou deux semaines. Mais voilà, c'est un gros coup de cœur quand même. Enfin, globalement, il y a rien acheté dans l'album, donc c'est difficile de choisir un morceau en particulier. Mais celui-ci est particulièrement cool. C'est parti donc, Gaïra, pour illustrer le focus. Thank you. Voilà donc un petit aperçu musical de ce que peut proposer Gaïra sur ce nouvel effort studio. Et c'est vrai qu'on se le disait en off avec, avec Sylvain, c'est, mais en fait on aurait pu extraire à la fois difficilement et à la fois facilement n'importe quel titre de ce nouvel album, tellement chaque pièce musicale est à la fois unique et en même temps s'imbrique dans l'ensemble de l'œuvre musicale et hyper qualitative. Ouais, bah complètement, en fait c'est un des trucs que j'avais noté sur la globalité de l'album. T'as ce côté où c'est monolithique au niveau de l'album dans sa globalité, il y a une espèce de cohérence monstrueuse dedans au niveau de, bah, globalement du son et tout, bah, c'est un espèce de pavé à lui tout seul, et à côté de ça chaque morceau a sa petite identité, son petit arrangement et tout, et globalement c'est un truc sur toute la discographie du groupe que tu peux noter, c'est fait avec intelligence en fait. Ça se répète jamais, c'est toujours hyper millimétré dans ce qu'ils font, et ouais, globalement tu sens que c'est de la musique, on va pas dire si c'est intellectuel quand même, enfin pas intellectuel, mais c'est une musique qui a été vraiment réfléchie, pensée, construite. C'est pas fait que avec les tripes, tu vois, c'est un truc qu'ils ont posé sur le papier pour essayer de construire, et ce qui fait que je pense que c'est ça qui fait cet effet d'ultra cohérence dans l'ensemble de l'œuvre. Et tu vois, au niveau même des clips, je trouve que leurs clips, ils sont très très beaux. Et il y a une espèce de dimension esthétique qui se dégage avec quelque chose de poétique, dramatique dans l'ensemble de leurs clips. Moi, je me souviens du clip de Conspirantia sur l'album précédent, où t'as vraiment que des plans sur des grands monuments qui sont tous pris en contre-plongée et tout. Et t'as vraiment cet esprit d'oppression qui apparaît. Là, ils ont fait beaucoup de clips plus live, plus direct avec le groupe et tout ça. Et t'as beaucoup de travail au niveau de la gestuelle, des mouvements de caméra et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de dimension, ouais, poétique, dramatique et aussi un petit peu philosophique qui se dégage de tout ce qu'ils font. Et ouais, ça traite de folie, de peur, de paranoïa, de conspiration. Enfin, voilà, t'as tout ce travail-là que je trouve incroyable dans le groupe, au-delà de la musique, quoi. D'ailleurs, même si là, du coup, comme on peut le dire depuis de nombreuses minutes, la musique est ultra riche, visuellement, là, ils ont fait des économies. Ouais, c'est complètement, bah, on en parlait tous les deux, mais comprendre ce qui se dégage de cette pochette où on voit juste leur masque, donc le masque qui représente la cagoule, avec le symbole qui représente le groupe, tout en or, tu as du mal à comprendre. Je dis, moi, j'y ai vu une espèce de dimension un peu narcissique de eux-mêmes. Et une espèce de critique de ce côté doré, de leur espèce de bulle dorée qui se serait créée ou quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment du mal à me positionner là-dessus, à savoir qu'est-ce que ça peut représenter. Et j'ai pas trop trouvé d'infos sur ce sujet-là. Voilà, je pense que on a fait le tour, ouais, de cette belle et riche présentation de ce nouvel effort studio des Portugais de Gaïra. Et donc on peut passer à la doublette suivante. Get the Shot, tout d'abord, donc première nouveauté dans l'émission de ce soir. Get the Shot, ça nous vient de Québec. C'est initialement un groupe de hardcore, trash hardcore, et ça évolue album après album vers quelque chose de plus metal, metalcore, hardcore, trashcore, metalcore, un peu le foutoir. On était sur quelque chose d'hyper agressif et frontal au tout début. J'avoue que ce nouvel effort studio, je ne l'ai pas du tout écouté. Il y a une dimension également Strategy dans les intentions, parce que le chanteur JP est donc Strategy, à fond cause animale, à fond protection même de l'espèce humaine sous toute forme d'oppression. Donc voilà, il y a un gros engagement. Ils se revendiquent vraiment vraiment d'être des gros fouteurs de merde dans le pit. Voilà, ils sont là pour proposer vraiment des arènes pour le public, que ça se tape sur la gueule sous une forme de respect pour les avoir vus sur scène il y a quelques années. Voilà, les mecs ont absolument pas peur d'arrêter un morceau en pleine presta juste parce qu'ils ont vu quelqu'un faire une mauvaise chute ou parce qu'ils ont dans le sentiment que quelqu'un est en train de passer un sale moment parce qu'il est en train de se faire emmerder ou un truc comme ça. Donc voilà, t'as toute cette dimension esthétique, état d'esprit autour de Get The Shot. Je vais un peu prendre le temps dans les semaines à venir de découvrir cet album Merciless Destruction. Voilà, donc au niveau du titre c'est assez sans appel. Et un doublette avec Get The Shot, Devourer, formation qui nous vient donc de Singapour, qui nous fait du speed trash black, ultra true evil, hein, anti-christianisme, blasphémie et anti-religion de manière assez généreuse et générale. On est assez proche d'un war metal, on a dedans des membres de Impiety, tiens comme de par hasard. Et voilà, c'est leur premier véritable album après un EP sorti en 2019, Slay For Satan, voilà, on peut pas faire plus. Plus que plus. Diabolos Brigade, c'est le nom de ce premier effort studio longue durée. Une sortie sur label français Listenable Records. Twilight Non Butchery. Et juste avant ça, Seeds of Dissension. Une première diffusion pour Get The Shot. Yeah! Deux salles, deux ambiances pour la doublette suivante. On approche des 22h à la pendule de Radio Béton. Queensrÿche, Wolfheart, l'ancienne et la nouvelle école. Queensrÿche, tout d'abord, le vieux groupe de heavy prog américain qui nous sort un nouvel effort studio, Digital Noise Islands, DNA, hein, pour les intimes. Voilà, Queensrÿche a encore des choses à dire et le dit très très bien, comme on a pu le présenter sur les émissions précédentes. On est assez proche de ce que peut nous proposer un Maiden, avec cependant une prod un peu plus qualitative et peut-être des inspirations un peu moins redonchiantes. Voilà pour les présentations du nouvel album de Queensrÿche, une sortie Century Media. Et dans la doublette, Wolfheart, un groupe qui monte, qui monte, qui monte, qui nous fait du melodic death. Ça nous vient de Finlande. Le groupe est actif depuis une dizaine d'années. King of the North, voilà, c'est très, très, très, très sobre comme titre d'album. C'est du melodic death, voilà, viking. Il n'y a pas de tutut, il n'y a pas de poète, il n'y a pas de fioriture. Ça reste efficace, c'est épique à souhait. C'est d'une sortie Napalm et on s'écoutera le titre Fires of the Fallen. Et juste avant ça, Queensrÿche avec le morceau Rheims.